Nous sommes des milliers, hey, habitent nos pays, alors que cherchent la terre promise, mais c'est. Ils sont des millions, habitent leur pays, alors que cherchent leur Eldorado, Naya Bingie. Nous sommes des milliers, hey, habitent nos pays, alors que cherchent la terre promise, mais c'est. Ils sont des millions, habitent leur pays, alors que cherchent leur Eldorado, Naya Bingie. Pour tous les Bradman qui sont en exode, pour toutes les Sistrelles qui sont en exode, exode. Tous les clandestins, tous les banabana qui cherchent les Dorado en Americana. Exodo, exil-œil, faut que je bouge vers mon destin. La fortune, mon chemin, mon avenir dans les mains. Derrière moi, ma famille, ma patrie, tout ce que j'aime faire face à la vie pour en meilleur lendemain. Sauf plus les bagots vers les pays lointains, parti par la mer, au-delà des frontières, par l'hexagone, outre-mer ou dom-dom. Sur les routes de Babylone, bénédiction. Ils ont fait couler tant de sueur, tant de prières, rêve exaucé, ils fouleront avec fierté le sol natal. La terre de l'amour, la terre de l'amour. Exodus. Pour tous les Bradman qui sont en exode, pour toutes les Sistren qui sont en exode. Exodus. Pour tous les clandestins, pour tous les banabana qui cherchent l'Eldorado en Americana. Exodus. Au revoir, famille éther, oh amis éphémères, oh famille éther, oh. Je reviendrai, les poches pleines d'or, je vous ferai goûter aux saveurs de l'horizon. Au revoir, famille éther, oh amis éphémères, oh famille éther, oh. Je reviendrai, les poches pleines d'or, je vous ferai goûter aux saveurs de l'horizon. Ñu joye joy ci wuri ngo ñaan ci ay bis metti jele won na len fa téréwul fañu ter jamm teru na len fa. Pour tous les Bradman qui sont en exode, pour toutes les Sistren qui sont en exode, exode. Pour tous les clandestins, pour tous les banabana qui cherchent l'Eldorado en Americana, exode. Pour tous les Bradman qui sont en exode, pour toutes les Sistren qui sont en exode, exode. Pour tous les clandestins, les banabana qui cherchent l'Eldorado en Americana, exode.